au téléphone Manu Rivière. Bonjour Manu. Bonjour Seb. Merci d'être avec nous. Alors, c'est normal. Manu Rivière, qu'est-ce qu'on peut dire? Manu Rivière, déjà, est-ce que c'est ton vrai nom? Je pense pas, quand même. Manu. Si, écoute, c'est bien tombé. Enfin, c'est bien tombé. C'est bien tombé à la naissance. C'est juste le diminutif Manu, quoi. En fait, le vrai nom, c'est Emmanuel. Bien sûr, oui. Mais voilà, tout le monde m'appelle Manu. Et puis, on a fonctionné longtemps en groupe. Et puis, il y a 4-5 ans. J'ai décidé de continuer l'aventure sous mon propre nom. Et puis, j'ai pas cherché bien loin. Manu Rivière, je trouvais que ça sonnait bien. Donc, je suis arrêté là. Il y a des moments, c'est vrai que le hasard fait bien les choses. Je suis sûr que t'en as fait exprès. Voilà. Quand t'étais la petite graine dans papa et maman, t'en as fait exprès de dire il faut absolument que vous choisissiez quelque chose qui aille pour la suite de mon avenir. J'en suis sûr. Ça fait partie des remerciements que je peux attribuer à mes parents, effectivement. Voilà. Alors Manu Rivière, comme on le dit, tu es un chanteur, musicien. Guissa, à la base, tu étais guitariste classique, hein, tu as fait la base et percussion, c'est ça? C'est ça, j'ai commencé par la guitare classique, j'avais 10 ans. Oui. Et puis après, je suis allé au conservatoire en guitare classique, effectivement. J'ai eu un prof super qui s'appelait Guy Guédo, qui est encore en activité. Et puis, à 15 ans, tu vois, le côté un peu rebelle, j'ai arrêté les études, j'ai commencé à écrire mes premières chansons, voilà. Puis après, c'est parti. À 4-5 ans après, j'ai monté ma première structure artistique avec un grand ami à moi, Roca. On a écrit une pièce de théâtre musical qu'on voulait aller jouer au Cap Vert. C'était un projet à la base d'une troupe qui s'appelait Chancolien. Et puis, on a joué ça un peu partout en France. Avec en parallèle le groupe Thomasland qui est né aussi de la rencontre de Thomas qui joue encore aujourd'hui, qui était un bassiste. Et puis, tout ça a permis de devenir professionnel, on va dire, de rentrer vraiment dans ce métier par la petite porte, parce que moi à la base je savais même pas qu'on pouvait en vivre ou en faire un métier, quoi. Mais ça a démarré et puis ça s'est jamais arrêté. Alors avec des phases, hein, c'est pas un long fleuve tranquille, mais c'est passionnant, c'est une passion. Et puis, vu que je me suis jamais dit que je ferais autre chose, je continue ça. Je pense, non, mais tu rigoles, mais parce que c'est vrai que je pense que c'est une condition un peu essentielle, parce que j'ai contact aussi avec des jeunes musiciens. Je leur demande des fois s'ils souhaiteraient se professionnaliser, mais ils ont toujours cette réflexion ou cette crainte par rapport à un métier qui est un peu, c'est vrai, un peu aléatoire, a priori. Mais je pense que le simple fait qu'ils se posent la question, ça montre qu'effectivement déjà ils feront pas forcément ça. Enfin, je veux dire de manière professionnelle. Après, on peut très bien, heureusement, faire de la musique en amateur et s'éclater. Et c'est d'ailleurs avant tout le plaisir de jouer que je trouve moi. Génial en musique, quoi. Cette vocation à rassembler les gens, à les faire jouer ensemble, à les faire se rencontrer. Enfin, c'est un vecteur de lien social absolument formidable et universel, quoi. Oui, puis... Le peu que j'ai voyagé, j'ai pu me rendre compte, quoi. C'est vrai que non seulement ça fait tomber la barrière de la langue rapidement, mais en plus ça crée un lien. J'ai une proximité, une intimité beaucoup plus rapide que dans d'autres circonstances, quoi. Ouais, et puis on est tout de suite intégré dans la culture, dans la vie. On est un peu privilégié à ce niveau-là, quoi. On se retrouve tout de suite à participer à des événements qui sont soit festifs, mais soit des fois aussi des. Ça m'arrive de faire des concerts privés ou de jouer en appartement. Donc on a des fois aussi la chance de pouvoir apporter un grand plaisir, un grand bonheur à des gens qui nous ouvrent leur intimité, quoi. Donc c'est c'est à la fois touchant et puis valorisant, quoi. Puis tu vis de ta passion et ça c'est merveilleux. Tiens, on écoute un petit, alors pas Dernier Voyage, mais c'est extrait de Manu Rivière, Le Dernier Voyage. On écoute ça. Ah bah volontiers. Pour voir ce que ça donne. Ah oui, Manu Rivière. Volontiers. Avec nous et derrière nous, Le Dernier Voyage. Alors, Manu Rivière, vous êtes plusieurs sur scène, il y a le groupe complet. Vous êtes combien exactement sur scène? Le groupe, il se compose comment? Alors, c'est un groupe à géométrie variable. À savoir... Tout dépend combien on en perd en tournée, hein, si on les retrouve ou pas, c'est ça. C'est ça. La base est un power trio, donc basse, batterie, guitare. Et puis il peut y avoir alors là il y a deux choristes dans le deux chanteuses quoi plutôt parce que c'est pas vraiment des chœurs, c'est les parties qu'elles défendent. Donc là dans la version que tu as vue, c'est une version avec laquelle on est allé faire une petite tournée à Chypre l'année dernière. Et là on est revenu en quatuor avec juste une chanteuse, mais par exemple on joue le 21 avril prochain à Ballancourt, hein, l'espace Salvi, et on partagera la scène avec le Jazz Band 007. Et puis bah à cette occasion là j'ai proposé au Jazz Band de participer à un morceau avec leur section cuivre. Donc là on va avoir une section cuivre de luxe avec bon, je crois qu'ils sont 12 ou 13 cuivres. Donc ça va être super quoi. Enfin voilà, en fait j'ai une écriture là ce que t'as fait passer, Le Dernier Voyage, c'est un morceau dit rock progressif. J'ai aussi pas mal de chansons, ça tient un répertoire assez éclectique qui va je dirais de la guitare classique au rock progressif. C'est à la fois quelque chose qui est qui peut être un problème au niveau des étiquettes nécessaires pour la production, la vente, l'identification d'un artiste. En tout temps, je continue de garder la conviction et même l'intuition, le sentiment que ce qui fait la valeur d'un artiste, c'est justement son identité. son originalité sans chercher à l'être, mais on l'est de fait parce qu'on est tous différents. Et du coup, moi voilà, je souvent on m'a dit ah, ce morceau-là il est bien, c'est reggae, pourquoi tu fais pas du reggae, ou ce morceau-là il est bien, c'est rock, tu devrais faire du rock. On m'a souvent reproché cet éclectisme. Et moi, un peu contre vents et marées, je continue à penser que c'est une force, mais que en fait ça se révélera à mesure des albums. Et justement, par rapport aux albums, je suis un peu en retard. Donc là, je suis en train de réfléchir à peut-être même monter un label pour pouvoir produire moi-même. D'accord. Alors moi, il faut que tu nous envoies ces morceaux-là, parce que là, franchement, c'est des petits trucs qui assurent. Et je voudrais que tu me parles aussi d'un autre projet que tu as, Lilou et Laftakras. C'est quoi ça? Qu'est-ce qui se passe chez Manu Rivière? Je sais que Lilou et Laftakras, c'est la compagnie du fil de l'eau que tu connais, hein, Audrey Marchand. Et c'est la complicité donc d'Audrey et de toi qui a donné Lilou et Laftakras. Et on a perdu Manu. Alors ce que je vous propose, c'est qu'on va écouter justement un petit extrait de Lilou et les Laftakras. Et on retrouve eh bien, juste après Manu Rivière avec nous sur Radio Arc-en-Ciel. Ne changez rien, vous pouvez nous écouter sur www.radio-arc-en-ciel.fr et vous pouvez aussi, eh bien, 96.2, nous écouter tout traditionnellement. Lilou et Laftakras, c'est un extrait de cette petite pièce de théâtre avec Manu Rivière et Audrey Marchand. Je vais vous présenter notre spectacle Lilou et les Laftakras. Notre problème, c'est les Laftakras. Ils salissent tout, jettent des ordures, des papiers dans le beau jardin de Lilou. Lilou, c'est ma meilleure amie. Et avec Sam, ils vont essayer de les faire changer, de leur apprendre tous les mystères de la Terre. Bien, bonjour dans le Zigzag Café aujourd'hui, c'est Manu Rivière, notre invité. Le mystère des Laftakras. Ça coupé, bah je te remets dans l'antenne, bouge pas. Fabriquer un haricot vert, il n'y a pas grand chose à faire. Pour fabriquer un haricot vert, il n'y a pas grand chose à faire. Prenez un peu de terre, un petit peu de lumière. C'est comme ça sur Arc-en-Ciel. Nous avons retrouvé juste derrière nous Manu Rivière et donc je disais eh bien la complicité du fil de l'eau, enfin la compagnie le fil de l'eau, c'est la rencontre d'Audrey Marchand et de Manu Rivière et ça nous donne justement Lilou et les Laftakras. C'est ça, hein, Manu? C'est bien ça, ouais. Alors Audrey, c'est une artiste que j'ai rencontrée il y a une quinzaine d'années. Une artiste musicienne, chanteuse, passionnée de pédagogie. Elle travaille beaucoup avec les enfants. Et vu que moi j'ai commencé aussi par cette porte-là, hein, avec la troupe Chancolia, où il y avait une adaptation du roman de Renard qui avait été faite. On a fait quelques spectacles pour enfants. Donc j'ai toujours eu depuis le début cette corde à mon arc. Et on a décidé d'écrire ce spectacle. À la base, je devais faire la musique. Moi, je suis un peu du genre à mettre le doigt, puis le bras, puis aller tout entier après. Et du coup, voilà, c'est devenu cette pièce qu'on a jouée et qu'on continue de jouer d'ailleurs, qu'on a joué vraiment pas mal de fois. Et ça, c'est pareil, c'est toujours un grand plaisir de jouer pour les enfants. Alors on fait aussi bien des théâtres que des petites écoles. Là on a fait une tournée dans le Nord avec l'association Zigzag qui nous a produit cette tournée-là. On est allé vers Lille, Tourcoing, Valenciennes. Enfin voilà, c'était super. C'est vraiment un plaisir. Déjà le théâtre. J'ai pas mal travaillé dans le théâtre aussi. Tout au long de ma carrière. Et c'est un autre milieu que celui de la musique. Et je trouve qu'ils sont très complémentaires. Et en tout cas, ils ont en lien le contact avec le public, qui reste quand même quelque chose d'exceptionnel et de magique, quoi. Oui, c'est vraiment merveilleux. Puis je pense que c'est le mélange des deux, comme tu dis là, le mélange d'Audrey avec toi sur scène, ça nous donne quelque chose de différent, je pense. Il faut voir. Parce que ça change un petit peu, mélanger la musique. Parce que d'habitude, on a ou du théâtre ou de la musique. Et là, toi, tu as osé mélanger les deux. Ah oui, c'est ça. C'est vraiment du théâtre musical dans toute sa splendeur. Oui. C'est-à-dire que là encore, dans le théâtre, j'ai fait des musiques pour des pièces ou des petits courts-métrages. Je trouve que la musique, ce qu'on appelle musique à l'image, musique dans le théâtre, comme ça, pour des textes, c'est vraiment un outil que moi j'adore utiliser, parce que j'aime bien dire que la musique, ça apporte un prolongement là où les mots n'ont plus de... ne savent plus quoi dire, quoi. Oui. C'est-à-dire que ça vient vraiment et quand c'est utilisé avec parcimonie, c'est vraiment quelque chose qui vient qui peut soit servir d'écrin à un texte, à une scène, soit à l'inverse prendre carrément le premier rôle pour conduire une émotion, sachant que c'est ça le trésor de la musique, c'est que c'est un vecteur émotionnel magnifique qui porte intrinsèquement tout un tas de valeurs, mais qui, dans un monde parfois un peu cynique ou polémique, n'est justement jamais polémique, puisqu'il n'y a pas de mots, quoi. Et donc, l'interprétation, elle appartient à chacun. Et je trouve que ça donne une grande liberté. Et ça, je trouve que c'est voilà, dans une période où les choses sont parfois un peu confuses, la musique dans cette dimension-là est vraiment quelque chose d'important, quoi. Et pas quelque chose de, comme on pourrait des fois le penser, quelque chose de superflu. Je pense qu'au contraire, c'est essentiel pour le bien-être, pour le fait que les gens soient ensemble, se côtoient. Et encore une fois, il y a plein de musiques qui accompagnent des moments de vie. Moi, je reçois des fois des témoignages de personnes qui me disent « Ah, Manu, on a écouté tel titre de toi à telle occasion, ou c'était vraiment super, merci. » Enfin, voilà, la musique accompagne les personnes et c'est vraiment super. D'accord. Et c'est vrai que ça, c'est ce que tu nous dis. En plus, dans la petite bio qu'on a avec toi, hein, moi j'aime bien, c'est Manu Rivière fricote avec les notes, il percute, gratte ou siffle avec des ailes, avec des griffes, avec le cœur. Rien n'est moins sûr. Qu'importe le lieu ou l'heure, l'ivresse est là au détour d'une note, belle ivresse. Celle qui lève, celle qui transporte, parfois électrique, tantôt acoustique, balade ou riff. Ça kiffe sous les étoiles, ça décoiffe les tifs. Quand Manu fait danser ses doigts comme d'autres serrent des cœurs. Le voyage est intérieur, mais tout le monde y participe. Assis sur sa branche, il pousse son cri pour aller vers l'eau, tendre la main, partager pour continuer le chemin, suivre l'étoile. Jouer chaque jour plus neuf, ne jamais rejouer. Remettre en jeu plutôt, aimer être simplement par la musique, ça va de soi. Ça, c'est du Manu Rivière, ça te correspond parfaitement. Oui, c'est effectivement un petit texte de présentation avec le clin d'œil à l'étoile qui fait référence à la chanson La Quête de Jacques Brel. Je pense que si je devais avoir un hymne à titre personnel, ce serait celui-là. C'est une chanson que je trouve magnifique. Bizarrement, il a ni écrit la musique ni le texte. C'est une chanson qui est issue de l'opéra L'Homme de la Mancha, qu'il a monté vers la fin de sa carrière. Et c'est un texte magnifique, justement, où il dit « Sans question ni repos, se damner pour l'or d'un mot d'amour ». Et le parcours d'un artiste, c'est des fois un peu ça. C'est-à-dire, on a souvent des questions de sens, de pertinence, c'est des fois moins visible de faire des chansons ou de chercher une idée sur une guitare que de que de faire des choses qui peuvent paraître plus concrètes. Et en même temps, comme je le disais tout à l'heure, ça a quelque chose d'essentiel aussi, quoi. Je pense que les endroits où malheureusement la culture n'est pas présente pour des raisons parfois politiques ou autres, bah, c'est des endroits où ça manque de vie, quoi. Ça manque de... Et quand je dis musique, c'est la musique, évidemment, dans tous ses états, que ce soit la musique folklorique déjà, puisque c'est de là que tout part. Et puis, voilà, après, il y a tout un tas de mouvements, il y a tout un tas de choses. Et je tiens à te remercier, Seb, d'avoir porté ton attention sur mon projet. Moi, c'est normal. Vraiment, on est là pour vous. Ouais, mais c'est vraiment chouette parce que c'est aussi pas évident en fait de diffuser, de trouver des échos voilà, bon, ça aussi c'est un peu un parcours particulier, mais je pense que c'est ce qui fait aussi la beauté de ce métier, en tout cas comme je le conçois. C'est-à-dire que il y avait un metteur en scène avec qui je travaillais, il me dit, toi t'es un cow-boy solitaire. C'est-à-dire que c'est vrai que je fais beaucoup par moi-même. Et je cherche à constituer un répertoire, mais alors évidemment il faut vivre, il faut trouver les trucs, c'est aussi un travail avec ses contraintes, mais il y a toujours cet impératif de travailler pour le bon, quoi, d'essayer de faire des choses qui soient belles et qui peuvent être comme des fois on peut se promener voir une petite fleur en ce moment avec le printemps qui commence à pointer le bout de son nez, enfin voilà, c'est des moments furtifs, c'est des choses qui peuvent paraître tellement insignifiant et en même temps qui sont tout. Je pense que le bonheur, s'il existe, il est dans ces choses-là, quoi, dans ces instants furtifs qu'on capte et qu'on ressent et qui nous donnent la journée un peu plus heureuse, quoi. D'accord. Eh ben, un grand merci parce que franchement, cette musique-là, enfin moi, j'aime bien et puis c'est vivant, c'est différent. Donc voilà, Manu Rivière. On rappelle donc ton petit site, manurivieretoutattaché.com. Vous retrouvez l'actualité, vous retrouvez différentes dates. Donc les prochaines dates, c'est le 17 juin et le 29 avril, je crois. Voilà, il y a le 21 avril à l'espace Salvi à Ballancourt. D'accord. Et puis il y a le 17 juin au plan à Ris-Orangis. Et puis plus proche de nous, ce soir, il y a le cours de la rivière qui joue à Courcouronnes. C'est une formation que j'ai montée avec des amateurs où il y a des musiques que j'ai écrites, il y a des reprises aussi que j'ai réarrangées pour cette formation. Enfin voilà, là c'est vraiment un partage de musique sur le plan du plaisir pur, quoi, et de l'échange, voilà. D'accord. Eh ben, ça c'est à Courcouronnes au centre culturel Simone Signoret ce soir à 20h30. D'accord. Eh bien, on note. Tout se passe sur Paris. Hein. Beaucoup dans le 91. C'est normal. T'es par là-bas. Pardon, Sébastien. Je dis oui. C'est normal. Tu es sur Paris, donc il y a beaucoup de dates qui se passent sur Paris de ton côté. Oui. D'accord. Oui. Eh bien, un grand merci. On écoute pour finir Récal Citron. Et donc c'est Manu Rivière sur Arc-en-Ciel. Merci à toi, Sébastien. Un grand merci. Grand merci. À très bientôt. À très bientôt. Au revoir. Au revoir. Allez, Récal Citron sur Arc-en-Ciel avec Manu Rivière.